La vie n'est qu'une chienne qui kiffe à t'emmerder. Adore les rêves d'oseille jamais réalisés. La vie n'est qu'une pute. L'humain, cet enculé, n'a construit que de la merde en voulant évoluer. J'emmerde tous les choqués, tous les critiqueurs, tous ces cons. Je le crie bien fort, rien à battre des procès. Gainsbourg avait raison. Dieu n'est rien, puisqu'il n'existe pas. Jean-Paul II, un imposteur, mort sous mes crachats. L'homme a créé les dieux, l'inverse reste à prouver. Mais c'est même plus des cathos, c'est des sectaires, des tarés. J'emmerde tous les choqués, tous ces critiqueurs, tous ces cons. Je le crie bien fort, rien à battre des procès. Gainsbourg avait raison. Catherine Ringer est une pute, pris plein de foutre pendant les prises. Rita, des dégueulasses, honte à celle qui a été prise. Béard est un blaireau. L'art majeur, pas pour tout le monde. Je trouve pas que Laurie en fasse beaucoup. Et toutes ces R&Beuses, toutes ces blondes. J'emmerde tous les choqués, tous ces critiqueurs, tous ces cons. Je le crie bien fort, rien à battre des procès. Gainsbourg avait raison. Tous ces gros porcs qui nous gouvernent, il suffirait de leur prendre un centième de leur paye pour compenser la Pentecôte et supprimer tous ces conseils. On nous pique 70% de notre paye sans se révolter. Gainsbourg continue de brûler des billets. On s'en fout, c'est qu'à la société. J'emmerde tous les choqués, tous ces critiqueurs, tous ces cons. Je le crie bien fort, rien à battre des procès. Gainsbourg avait raison. Combien de plaintes, combien de lettres, dans les torchons à moutons. J'ai pas mis un couteau sous la gorge des coincés pour qu'ils écoutent ma chanson. En tout cas, je tire ma casquette à cet homme qui, en plus de faire de la bonne chanson, a su manier le courage de la provoque. Gainsbourg, on t'aime, toile, Pygmalion.